Kanyangi. Dimanche 19 mai, bonjour, bonsoir, madame, monsieur, selon votre zone d'écoute, voici les grands titres de cette édition. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya appelle l'État burundais à garantir la liberté des citoyens dans cette marche vers les élections. Il fonde son appel sur la pensée et les enseignements de feu l'abbé Michel Kayoya. Les téiculteurs de la commune Mugamba en province Bururisse et au sud du Burundi demandent l'augmentation du prix d'un kilo de feuilles vertes. Et en international, en République démocratique du Congo, l'armée annonce ce dimanche avoir déjoué un coup d'État parlant de plusieurs arrestations après des tirs à la résidence de Vital Kamerhe, premier vice-ministre et ministre de l'économie, selon le journal en ligne actualité.cd. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Bienvenue encore une fois. L'État burundais est appelé à tout mettre en œuvre pour que les Burundais répondent aux élections étant libres. C'est un appel de l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya vendredi en province Gitega, alors que l'archidiocèse de Gitega lançait une campagne de vulgarisation de la pensée et des enseignements de feu l'abbé Michel Kayoya, fondé sur la liberté des Burundais et qui ont été à la base de son exécution en 1972. Et au petit séminaire de Mugera où il était recteur, cet ancien président de la République demande aux journalistes d'organiser des débats entre différents candidats pour permettre aux Burundais de choisir les programmes. Suivez-le dans cette traduction française d'Arthur Kavaouchi. Maintenant, quand on s'approche des élections, il y en a qui sont beaucoup plus concernés que les autres et dont je souhaite qu'ils suivent les valeurs que Michel Kayoya a enseignées et qui ont fait qu'il soit exécuté. Premièrement, c'est l'État qui doit tout faire pour que tous ceux qui vont aller dans les élections sentent qu'ils sont libres. J'ai été content du discours du président qui a dit qu'ils vont tout faire pour que tous les organes concernés par les élections rassurent toutes les parties prenantes. Deuxièmement, ce sont les participants eux-mêmes, les leaders des partis politiques ou les indépendants. Ils aiment souvent dire leurs attentes de la part des institutions de l'État sans dire leur part. Et lorsque quelqu'un va aux élections sans un esprit qui met en avant le bien du pays et de tout le peuple, ça peut perturber les élections. Ceux-là ont le droit de battre campagne, mais aussi de mettre en avant l'intérêt supérieur du pays, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la liberté des Burundais et la justice en tout et partout. Troisièmement, il y a les observateurs. J'ai mis un accent particulier sur l'Église catholique, car c'est une institution importante au Burundi et dans les cœurs même des Burundais. Si dans les paroisses, il y a des chrétiens sans considérer leur appartenance politique ou leur ethnie, mais des chrétiens qui viennent pour être de vrais observateurs des élections dans chaque commune, ça irait bien du fait qu'ils pourront remettre à la raison ceux qui veulent tricher. Il y a également vous les journalistes, car vous pouvez sauver tout comme vous pouvez tout gâcher. Il faut y aller en disant aux Burundais comment sont les faits et non en influençant leur vote. Le journaliste n'influence pas le vote, mais plutôt il dit aux Burundais que celui-ci a son projet de société et celui-là tel autre. Le journaliste doit confronter les candidats dans un débat et ce sont les Burundais qui devront eux-mêmes choisir sur base de ce qui a été dit. S'il vous plaît, journaliste, qu'il n'y ait pas de journaliste qui aille dire que tel est bon et que tel autre ne l'est pas. Ce n'est pas votre travail. Votre travail est de décrire les faits seulement et laisser les Burundais choisir. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. Parlons encore élections et professionnels des médias. Le journaliste est autorisé à rapporter des résultats proclamés par le responsable d'un bureau de vote, Mais il doit se rappeler qu'un seul bureau de vote ne reflète pas la réalité, même pour un seul centre de vote. Précision vendredi du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, lors d'une réunion avec les différentes parties intervenant en matière d'élection. Prosper Anargoa-Millet rappelle que seule la CENI proclame les résultats en vertu de l'article 235 du Code électoral en attente de promulgation. Suivez-le dans cette traduction française de Leonidas Kirombo. Il est prévu 15 000 bureaux de vote et un journaliste va dans un bureau de vote. Prenons par exemple l'école Stella Matutina qui a, disons, 15 classes, c'est-à-dire 15 bureaux de vote. Tu assistes au dépouillement d'un des bureaux de vote. Tu regardes un seul formulaire rempli F2. Prenons par exemple qu'à ce bureau, le parti de Renato Etulie, qui est en compétition avec le parti que je baptise Carotte ou Kijumbu, et tu dis à la radio que Carotte a gagné. Dis plutôt que sur le bureau de vote, Carotte s'est classé, disons, à la tête, mais tu oublies qu'il y a 14 999 autres bureaux de vote pour lesquels tu n'as pas donné de résultat. Là, c'est pour les conseillers communaux, mais il y a aussi pour les députés. Peut-être que Kijumbu a gagné et que Carotte a gagné pour les communales. C'est pour cela que nous disons que seule la CENI proclame les résultats. Mais ce n'est pas interdit aux journalistes de répercuter les résultats proclamés par le responsable du bureau de vote. Ce que l'on évite, c'est que l'on diffuse que tel a gagné alors que tu n'as rapporté que pour un seul bureau de vote. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition par cette page agriculture. Les agriculteurs de la commune Mugamba en province Bururi demandent l'augmentation du prix d'un kilogramme de feuilles vertes. Doté selon eux, les 350 francs burundais auxquels on achète en kilogramme sont insignifiants par rapport aux dépenses. Le gérant du complexe agricole de Tora dit que leurs réclamations ne sont pas fondées parce que le prix a augmenté il y a moins d'une année, passant de 280 francs à 350 francs burundais le kilo. Mais l'ingénieur Eric Ndoyezu appelle ses agriculteurs à augmenter plutôt la production pour gagner davantage. Le point avec Zeno Nzambimana. Ces agriculteurs de la commune de Mugamba disent que les 350 francs burundais par kilogramme de feuilles vertes dotées s'achètent sont insignifiants alors que les prix des autres produits ont été revus à la hausse. De plus, la cueillette de ces feuilles vertes prend beaucoup de temps car une seule personne ne peut pas récolter plus de 10 kg par jour pour gagner uniquement 3500 francs burundais sans oublier d'autres dépenses enregistrées. Surtout que même les habits portés pendant la récolte se déchirent très rapidement. Selon ces agriculteurs, cette culture a été oubliée au niveau du prix par rapport aux autres cultures comme le café. Ils demandent que le prix du thé soit également revu à la hausse. À ce sujet, ingénieur Eric Ndouayezu, gérant de complexe théicole de Tola, dit que le prix du thé a été revu à la hausse il y a moins d'une année, passant de 280 francs burundais à 350 francs burundais le kilogramme des feuilles vertes. Selon lui, ceux qui ne sont pas satisfaits du prix du thé sont ceux qui ne produisent pas suffisamment. Il appelle ses agriculteurs à bien entretenir leurs champs pour augmenter la production, car les agriculteurs qui produisent plus peuvent même contracter des crédits pour l'exécution de leurs projets. Depuis Tora, en commune de Mugamba, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. De Tora en province Bururi au sud du Burundi, rendons-nous en province Gitega où les médiateurs collinaires de la colline Songa demandent que leurs frais d'encouragement leur parviennent via les transferts électroniques et non via les institutions financières. Le motif avancé, c'est que les frais de tenue de compte sont réduits sensiblement alors qu'il leur arrive deux fois par an. Ils demandent aussi qu'ils soient revus à la hausse et perçus mensuellement. Le porte-parole du ministère de la Justice répond que ces frais doivent passer par la voie reconnue par la loi par rapport à leur majoration et se réserve de tout commentaire. Les détails avec Gérard Niwigira. Hatungimana Severin, c'est un des médiateurs et collinaires de la colline Songa, commune et province de Gitega, qui explique qu'ils ont déjà perçu deux fois leurs frais d'encouragement. À la première fois, ils les ont perçus des mains de leur cheftaine et à la deuxième fois, ils les ont perçus auprès des institutions financières variées. Il précise que comme ils perçoivent les frais d'encouragement après 6 mois, les frais de tenue de compte réduisent sensiblement le net à payer. Donc, ils demandent de percevoir ces frais d'encouragement via d'autres voies sans frais de tenue de compte comme l'Imicash, EcoCash ou Banco Buinotti. Toutefois, la porte-parole du ministère de la Justice, Madame Nkeshimana Anne-Marie, répond par le négatif. Elle indique que, d'abord, tous les médiateurs collinaires n'ont pas de téléphone portable. Ensuite, ces voies proposées de l'Imicash, EcoCash et Banco Buinotti n'ont pas de traçabilité au moment où la traçabilité est de rigueur pour une bonne gestion des fonds publics, a-t-elle insisté. Elle promène et à moins de voir comment faire pour que les institutions financières partenaires réduisent les frais de tenue de compte pour les médiateurs collinaires. Les médiateurs collinaires de Songa réclament en outre la revue à la hausse de leurs frais d'encouragement et regrettent la disparité de ces frais observés parmi eux. Ils donnent un exemple d'un d'eux qui a perçu 7000 francs boursouflement après 6 mois et trouve cela anormal. Cependant, la porte-parole du ministère de la Justice se réserve le droit de tout commenter sur ce point et demande plutôt au médiateur collinaire de Songa d'être satisfait par les frais d'encouragement actuels. Enfin, les médiateurs collinaires de Songa demandent que leurs frais d'encouragement les soient octroyés mensuellement pour plus d'utilité. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour Radio Isanganiro. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, le porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge, a annoncé ce dimanche que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont déjoué un coup d'État dans un bref message diffusé à la télévision publique. Il a précisé que plusieurs auteurs de cet acte ont été arrêtés. Il a dit, je cite le journal en ligne actualité.cd, l'armée rassure que la situation est sous contrôle et demande aux Kinois de vaquer librement à leurs occupations. En attendant une communication élaborée sur les incidents qui se sont déroulés dans la commune de la Gombe dans la nuit de ce dimanche, nous tenons à rassurer la communauté nationale et internationale que nos forces de défense et de sécurité ont rétabli avec promptitude l'ordre public perturbé par des hommes armés. La population est ainsi appelée à demeurer calme et à vaquer librement à ses occupations, a pour sa part déclaré Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Fin de citation. Et ce matin, des tirs ont retenti aux alentours de la résidence de Vital Kamerhe, député national et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale congolaise. Selon des sources sécuritaires et des voisins, 3 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées, rapporte le journal en ligne actualité.cd. Et voilà, à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro, c'est par cette actualité que je mets en point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive et merci également à François Akimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Très bonne suite de nos programmes.